je nettoie l'atmosphère des esprits maléfiques. Si je m'appelle Moana et toi Dominique, lequel de nous deux se fait rasserrer par les flics? Je t'ai dit ce sont morts pour les skins qui pendent la langue. À force d'engrainer, tu seras prisonnier de sangle dans une cave en bédave. On te frappe le sternum, on te gifle pour voir si tu pleures, si t'es un homme et les skins. J'attends que votre bande s'agrandisse pour pouvoir augmenter mon pouvoir dans le vice. On fume les racistes comme un coup de tosma, les attrape, les frappe et les plonge dans le coma. C'est moi le mec ouf qui est cool à deux faces. Gentil mais des fois je pète ta câble au double vase. Quoi que tu fasses, je me déplace, j'endors toutes vos places. C'est pour ça que les skins quand ils me voient ça les tracasse. Je suis un ouf et si je veux je nique les bénéfices. C'est moi l'étranger, je viens de loin à l'aise de vie. Sur la prod d'un bourrin, du prix requis frère. Je donne une leçon à ceux qui niquent mes affaires. Un bon skin est un skin mort. Je taque sur les murs skin fils de porc. Un bon skin est un skin mort. Mort jusqu'à la mort. N'aie pas peur, approche donc de la délinquance. C'est nous les rappeurs qui font que c'est chaud en France. Amateurs de la boxe, cela provoque des boss. Obligé de faire le foot dans la cité pour être le boss. Je plaisante, pas gaffe, et indec à tes paroles. Je t'aplatis le torse, après tu tombes sur le sol. High kick, hyper cul gauche, je te mets mal à l'aise. Que tu sois pas les chasses, que le courage me brûle comme la braise. Tu remues un chasse, un canif dans ta plaie. La douleur équivaut une rage dentaire ou un abcès. Mais je m'abstrais, juste un message de menace. Je m'en fous de la censure de l'état. J'y mets mes traces de mes pulsions, comme de la coque et des convulsions. Hélas, pour sortir, faut combattre la pression. Les gars, j'ai une embrouille là. Avec qui là? Là, vas-y, ils m'ont assaut les skins là, ils sont combien? Ils étaient 10, moi je suis tout seul. On y va. Un bon skin est un skin mort. Je tac sur les murs, skin fils de porc. Un bon skin est un skin mort. Mort jusqu'à la mort. Il n'y a pas de porte, qu'à tel un couloir sans issue. Le genre de mafioso qui braque et te tire dessus. Je suis une balle dans un gun tech, 9 balles et je vais t'apprendre à semer la demeure que tu récoltes. NIC sur le microphone, dédicace à tous ces skins là. Yeah, 2011, CPG dans la place.